sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Charles Jacquier et Lou Marin, que presque tout le monde doit connaître, à l'occasion de la traduction en allemand d'un livre déjà paru il y a 8 ans. Il s'agissait d'un livre sur Simone Veil. Veil ou Veil ? Veil, bah, ils nous le diront après, sûrement, ils corrigeront. Simone Veil, et qui était coordonné par Charles. Et Lou Marin a fait la traduction en allemand de ce livre qui vient de sortir chez. Je ne sais pas faire te le dire. Donc c'était un recueil de textes, c'était à l'occasion d'un colloque ou c'est. Donc je te laisse la parole, tu présentes le travail d'origine. Si tu dis Veil, on peut dire que les éditeurs. Veil pour moi c'est les colonnes, plus que la philosophe, donc je vais dire Veil si vous me permettez. Donc non, l'idée du bouquin c'est quelque chose qui est chez moi extrêmement ancien et qui en gros correspond à l'intérêt que j'ai toujours manifesté pour en gros, on va dire rapidement toutes les minorités révolutionnaires de l'entre-deux-guerres. Et au sein de ces minorités, il me semblait qu'il y avait quelques personnalités qui se distinguaient plus particulièrement, dont Simone Veil était une des principales, en particulier autour de la revue de Boris Souvarine qui s'appelle La Critique Sociale, et qui est, selon le mot d'Anne Roche, ce qui aurait pu être un peu notre école de Francfort, quoi, en gros, pour situer le niveau d'importance politique et intellectuelle de cette aventure éditoriale autour de cette revue. Et Simone Veil est une des principales recrues, une des principales signatures de la revue en question. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire à travers ce bouquin, c'était vraiment de présenter une autre Simone Veil. C'est-à-dire qu'en gros, il y a depuis l'après-guerre, enfin l'immédiate après-guerre, une espèce d'enjeu autour de la figure de Simone Veil, puisque dès le départ, on va dire que l'héritage est un petit peu tiraillé. Il y a dans un premier temps des philosophes chrétiens qui s'en réclament. En même temps, il y a une personnalité comme Camus qui est aussi l'éditeur de ses écrits, et principalement de ses écrits historiques et politiques. Et donc tout ce bouillonnement autour de l'œuvre de Simone Veil qui démarre dès l'après-guerre, il y a un grand absent à mes yeux, c'est tout le rôle qu'elle a pu tenir, tous les contacts qu'elle a pu avoir, tous les textes qu'elle a pu écrire, non pas tirés dans le cadre de, je sais pas, d'œuvres complètes, très savantes ou des choses comme ça. Mais vraiment en contexte, dans le contexte de cette extrême gauche qui est à la fois révolutionnaire et anti-stalinienne des années 30, quoi. Et Simone Veil est vraiment totalement immergée au début de son itinéraire dans ce milieu-là, qui est une chose qu'on souligne pas assez ou qu'on souligne quasiment jamais, sauf pour faire un truc un petit peu anecdotique, c'est la philosophe, qui est allée travailler en usine en 1935, donc c'était, moi j'étais en terminale philo dans les années 70, et dans le manuel de textes philosophiques qu'on présentait à l'époque, il y avait un texte extrait de la condition ouvrière, où Simone Veil était présentée de cette manière-là, quoi. Donc c'était à la fois la philosophe mystique de la pesanteur et la grâce et de tous ces textes, hein, et en même temps, auparavant, avant d'être la grande philosophe mystique, religieuse, etc., elle avait eu un bref instant d'égarement en allant travailler en usine un petit peu comme les quelques établis post-68ard dont on avait pu avoir les témoignages à peu près à la même époque. Donc voilà un petit peu comment Simone Veil était présentée avec un autre obstacle qui me semblait extrêmement important, c'est que tous les textes politiques qu'elle écrivait ont largement tardé à être publiés, puisqu'il a fallu attendre les années 1990-95, enfin j'ai pas la date exacte du démarrage des œuvres complètes chez Gallimard, mais il a fallu vraiment attendre cette époque-là pour qu'on ait sous la main l'intégralité des textes politiques de Simone Veil, qui étaient auparavant, en dehors des quelques-uns qui étaient dans ce bouquin et dans Oppression et Liberté, en dehors de ça, tout le reste était vraiment dans des revues tout à fait confidentielles auxquelles quasiment personne pouvait avoir accès. Revues qui étaient principalement la Révolution prolétarienne, l'École émancipée, le Libertaire, etc., etc. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment de remettre Simone Veil dans son époque, dans son milieu, en montrant comment elle avait été vraiment partie prenante, comment elle avait suscité des débats dans l'extrême gauche de son époque. Avec deux remarques que je vous cite parce qu'elles me semblent extrêmement significatives, qui est la comparaison avec Rosa Luxembourg et ce que dit Souvarine en disant c'est le seul cerveau qui a produit le mouvement ouvrier depuis la guerre de 14. Enfin. Ce qui est quand même pas un mince compliment, surtout de la part de quelqu'un comme Boris Souvarine qui en était plutôt avare. Enfin. Donc voilà, donc il m'a semblé extrêmement important à travers ce bouquin collectif donc de revenir sur cet aspect là de l'œuvre de Simone Veil avec bon évidemment les grands moments ou les grandes thématiques qui sont le syndicalisme révolutionnaire, la guerre d'Espagne, l'anticolonialisme, etc. Autre aspect qui m'a intéressé, donc là pour la partie plus proprement, enfin qui me concernait en propre, disons, donc ça a été de revenir sur cette réception après-guerre à travers différents témoignages, différents articles qu'on avait pu écrire à ce moment-là, donc dans les mêmes revues, Révolution prolétarienne, le Libertaire, etc., juste après la guerre, jusqu'à un moment qui me paraît le moment essentiel dans la réception de Simone Veil dans ses milieux, c'est la publication de la lettre à Bernanos et le débat autour de la lettre à Bernanos qui s'ensuit dans la revue Témoin. D'autre part, ce qui me semblait aussi important, c'était de remettre à jour des textes qui était inédit, en particulier toute la correspondance avec Boris Souvarine, qui là n'est pas dans la période dont je vous ai parlé, enfin dans la période d'engagement profond qui est le début des années 30, donc on va dire dans la période 1930-1934. Mais postérieure, puisque c'est les lettres, la première, je crois qu'elle est de 35, et l'essentiel, ce sont des lettres du début de la première guerre, de la deuxième guerre mondiale, pardon. En particulier quand Simone Veil passe à Marseille et ensuite quand elle est aux États-Unis. Parce que, l'intérêt d'une telle correspondance, c'est de voir un petit peu les grands auteurs d'une autre manière, dans leurs préoccupations quotidiennes, dans leurs réflexions au jour le jour, dans leurs préoccupations y compris les plus terre-à-terre, de visage, voilà. Et il me semble que ça remet bien et ça donne énormément d'épaisseur et d'humanité au personnage, quoi. Que par exemple un énorme volume Gallimard des œuvres complètes ne va pas donner d'emblée. Autre intérêt, c'était un texte de Souvarine, inédit en français, parce qu'il avait été publié en traduction anglaise dans la revue de Dwight MacDonald aux États-Unis en 1944, je crois, une revue qui s'appelle Politics, et qui était, bon, en gros, la plus importante revue d'extrême-gauche américaine à l'époque, et qui a été la première à traduire Simone Veil en anglais. Donc là aussi, vous voyez bien que l'affiliation, ce n'est pas du tout un fantasme personnel, mais l'œuvre de Simone Veil aux États-Unis commence à être traduite dans ces milieux-là. Et c'est l'article de la critique sociale, la revue dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle « Réflexion sur la guerre ». Qui est traduite justement par MacDonald dans la mesure où lui-même a rompu avec sa revue d'origine qui s'appelle Partisan Review sur la question de l'attitude à adopter face à la Deuxième Guerre mondiale, et que lui, enfin le MacDonald en question, se revendique d'une opposition à. Enfin, refuse le ralliement des intellectuels américains. Au camp des démocraties pendant la Deuxième Guerre mondiale et maintiennent, disons, une position qu'on pourrait qualifier de pacifiste et d'internationaliste. Donc, publication de cet article-là, Réflexion sur la guerre, qui posait le problème dès 1932 ou 1933, je ne sais plus la date de parution. Autre texte aussi d'un personnage qui m'intéresse beaucoup, c'est celui de Louis Mercier, qui au milieu des années 50, avait eu le projet tout à fait dans la lignée de ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire en gros les enjeux, savoir comment on situe Simone Veil, est-ce que c'est la philosophe un peu mystique, allumée, chrétienne, etc., ou bien est-ce que c'est une personnalité qui va, dont les réflexions, dont un certain nombre de réflexions vont être utiles à un combat politique, à une réflexion intellectuelle pour un véritable changement social. Donc, Mercier avait très très bien compris la façon dont ça se passait, et avait eu le projet d'organiser une espèce de grand colloque autour de Simone Veil, en contactant toutes les personnalités donc, qui étaient pour l'essentiel toutes en vie à l'époque, quoi, qu'il avait croisées dans ces milieux-là, au début des années 30 et jusqu'à la guerre. Quoi. Donc c'est un projet qui, très symboliquement, n'a pas pu être mené à bien, voilà, pour différentes raisons, mais qui montre bien la préoccupation de Mercier de s'inscrire dans ce débat, de susciter les témoignages et de prendre position dans cette espèce de controverse autour de l'héritage intellectuel de Simone Veil. Donc voilà en gros pour ce qui me concerne, quels étaient les... à la fois la genèse et les enjeux de la publication de ce bouquin. En deux mots, c'est que Simone Veil, à mon avis, est tout à fait utile. Donc autre texte aussi par rapport à la genèse, le texte qui clôt le bouquin, qui est un texte de Robert Chenavier, c'est en gros celui qui m'a donné l'idée de faire le bouquin. C'est un texte qui était paru au début des années 80 dans les temps modernes, qui s'appelait Relire Simone Veil, et qui vraiment donnait une présentation de l'œuvre politique de Simone Veil comme vraiment quasiment un auteur presque d'actualité, quoi. Donc il fallait vraiment se saisir d'une manière vigoureuse, y compris dans la confrontation, dans la critique, dans les réserves, etc. Et donc il fallait vraiment se saisir pour intervenir sur les problèmes politiques essentiels qui avaient été posés dans la première moitié du XXe siècle. Quoi. Et donc c'est à partir de là, de cette relecture, de cette lecture de cet article, que je me suis dit il faut absolument arriver à monter quelque chose qui présente Simone Veil de cette manière-là. Et bon, dans la mesure où personne d'autre de plus compétent que moi ne s'est appelé à le faire, ben c'est moi qui l'ai fait. Tout bêtement. Voilà. Donc là, maintenant, je vais laisser la parole à mon... à mon camarade de gauche. Hein. Juste pour introduire Loup Marin, il y a quand même une différence entre les deux volumes. Enfin, le type Simone Veil, l'expérience de la vie et le travail de la pensée, là en allemand ça l'a traduit, mais toi tu as rajouté Simone Veil et l'anarchisme. Or toi tu viens de nous parler de syndicalisme révolutionnaire, alors est-ce que tu n'as pas pris Simone Veil dans la famille anarchiste alors qu'elle n'est pas forcément? C'est déjà le débat. Oui, pour reprendre justement à cette petite différence, je voulais mettre ce bouquin de Simone Veil d'affilée d'un livre que j'ai écrit sur Albert Camus, et peut-être on pourrait faire une série des personnages qu'on connaît, qui sont un peu connus. Oui, Albert Camus beaucoup plus que Simone Veil, mais on a aussi pensé de continuer cette série avec George Orwell et des autres qui ont eu un lien avec le mouvement anarchiste et qu'on met au centre de ces séries des livres. C'est pour ça qu'il y a un sous-titre Simone Veil et l'anarchisme. Et il y a aussi une petite ajoutement et différence dans le nombre de pages des livres, parce que l'original compte 300 pages et, bonne surprise, la traduction compte 400 pages. Et avec l'accord de Charles, j'ai ajouté spécialement des textes de Simone Veil sur son expérience espagnole, où elle va discuter sur, spécialement son appartenance dans la milice internationale, groupe international de la colonne de Ruti, et ses opinions sur la CNT et la FAI. Alors j'espère qu'avec ça, un peu... Aussi, j'ai parlé de son anarchisme dans mon introduction que j'ai ajoutée dans ce livre. J'espère avec ça, je justifie le sous-sous-titre. Bon, d'abord, je dois reconnaître et aussi être honnête que je n'étais pas seul à traduire ce livre. Il y avait encore deux traductrices qui m'ont aidé. En fait, c'est une longue histoire et un projet datant déjà dans les années 90. J'ai déjà lu le livre, une petite décalage après son parution. Et c'est aussi un petit hommage à Charles, parce qu'il est le premier que j'ai trouvé ici à Marseille, qui m'a bien accueilli. Et... Le projet était déjà concipé dès 2000-2001. On a reçu gratuitement les droits de l'édition Sud-Hiver et j'ai pensé que les autres traductrices, il y avait encore un autre traducteur qui s'occupait, mais ils n'ont pas fait vraiment leur travail. Et alors, il y a 2 ou 3 ans, que je m'occupais de finir le travail. Et en fait, maintenant, on peut dire que j'ai fait 80-90% du travail entier. Et ça me fait beaucoup de plaisir, parce que c'était déjà un projet de travailler sur Simone Veil quand j'ai fait mes études sur Camus. Et il y a plusieurs motivations pour faire cette traduction, et une de ces motivations, ce que m'intéresse en continuation du travail de Camus, je m'intéresse de la transformation de l'image, de la culture, de l'anarchisme, d'un côté l'histoire de l'anarchisme prolétaire jusqu'à la Révolution espagnole, et de l'autre côté de Paris 68 et ce qui la suit, et spécialement les mouvements sociaux nouveaux. On a Allemagne où il y a un renouvellement de l'anarchisme après un décalage de l'oubli complet. Jusqu'à aujourd'hui, les mouvements contestataires de globalisme. Et on peut dire qu'après le Paris 68, l'image, la culture, aussi les moyens de lutte de l'anarchisme sont différents qu'auparavant, avant la révolution en Espagne. Et je m'intéresse depuis 10 ans, et on peut dire qu'un travail de 10 ans s'achève ici. Je m'intéresse à qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur, entre 36 et 68. Pourquoi est-ce qu'il y a des influences, des inspirations pour qu'on puisse dire pourquoi l'image de l'anarchisme a tellement changé? Et là, je situe aussi l'influence et l'inspiration camusienne, son livre « L'homme révolté », son conception de la révolte qui a ressurgi dans la révolte des étudiants. Et aussi, j'ai déjà présenté ici un ouvrage sur une organisation de base des Noirs américains ici, parce qu'on a éprouvé en masse des nouvelles méthodes d'action de base dans un groupement des Noirs en Amérique, que j'ai traduit aussi, et par exemple cette organisation, le SNCC, Student Nonviolent Coordinating Committee, un de ses protagonistes, Robert Moses, était influencé par Camus, par exemple. Et là, je voudrais situer aussi l'œuvre de Simone Weil. Alors, pas vraiment dans les années 20-30, où elle a vécu, mais plutôt de sa réception, qui est dans le contenu du livre aussi. Et c'est pas par hasard, je pensais que Albert Camus a édité ses œuvres. Et c'est aussi pas par hasard que les débats les plus décisifs, les plus virulents dans le milieu libertaire se sont situés dans les années 50 autour de ce débat sur son expérience espagnole. Et pour moi, c'est une petite influence. Il y avait des influences aussi en dehors du milieu libertaire, mais quant à les débats, moi je pense que ça fait une débat aussi comment continuer le courant libertaire après. D'un côté, c'était un haut lieu, un apogée, la révolution espagnole, mais de l'autre côté, c'était aussi l'échec, la répression, 40 ans de franquisme, et comment a le courant libertaire se réjouir, se transformer après le mai 68. Ça, c'est une de mes motivations. L'autre motivation vient de courant de l'anarchisme non violent dont je suis parti depuis 25 ans en Allemagne autour du journal Grassroots Revolution, parce que, et spécialement concernant la révolution espagnole, il y avait peut-être parmi le milieu libertaire deux interprétations ou deux courants qui sont d'un côté un peu mystificatives, parce qu'ils racontent toujours un peu la lutte héroïque, et j'ai beaucoup respect pour des interprétations pour ça, mais il y avait aussi à l'époque et après une courant ou une interprétation démystificative, où il y a aussi le débat sur les problèmes, les cruautés, les atrocités Mais dans le courant anarchiste non violente, on connaît quelques courants de militants qui ont critiqué spécialement le tentative de faire la révolution et le défendre avec un système de milices, avec des armes comme ça. Et il y avait des critiques parmi les anarchistes non violents à l'époque, par exemple venant de l'Autriche, de courant de Pierre Hamu. Il y avait des critiques sur cette conception révolutionnaire défendue par les milices venant de courant libertaire néerlandais avec Bart de Ligt, des libertaires d'Amérique, Dave Dellinger. Ils ont tous critiqué cette conception des milices, mais à cause de leurs critiques, ils n'ont pas participé. Ça, c'était leur héritage. Et on voit dans l'expérience de Simone Veil une petite différence parce qu'elle a tout d'abord participé avec aussi une méthode des yeux ouverts. Elle a, d'un côté, elle a déjà écrit, elle a eu une sensibilité pour ce problème parce que c'est déjà mentionné, elle a écrit en 1933 cet article Réflexion sur la guerre qui est malheureusement pas encore traduit en allemand. Alors elle a su le problème, elle a eu une sensibilité, mais à cause de son méthode, elle était ouverte pour l'expérience espagnole. Elle a dit aussi dans un de ses articles Réflexion pour déplaire que j'ai ajouté dans ce livre, elle a dit que en 33 on connaît l'expérience russe, mais là c'était Lénine, c'était la conception de prendre le pouvoir avec un parti. Et maintenant, en Espagne, on a des camarades, des anarchistes, qui ont pas cherché les méthodes de prendre le pouvoir avec un parti. Et maintenant, on verra quand même des images, des atrocités, des violations des droits de l'homme. Qu'on voulait éviter et qui sont à contresens de l'éthique révolutionnaire pour qui l'anarchisme est là. Et alors, elle était ouverte, et aussi sur sa méthode, elle diffère cette méthode de méthode léniniste, parce que dans un texte critiquant Lénine, elle a dit plus ou moins que la méthode léniniste, c'est d'avoir une conception tout d'abord, puis mener une recherche empirique. Et puis, dans la recherche, il dit qu'il rassemble que des choses qui soutiennent son thèse. Et puis il a le résultat qui approuve son thèse d'emblée. Et elle a dit que ça c'est pas une méthode aussi venant de Marx. Et elle a dit que la recherche, l'expérience doit être faite aux ouvertes, les résultats ne doivent pas être d'emblée. On doit faire l'expérience et puis faire des analyses, faire les conséquences. Et je pense que avec cette manière-là, avec cette méthode-là, elle a éprouvé son séjour de 6 jours directement en front en Espagne. Et dans ce texte que j'ai ajouté, ce texte réflexion pour des clercs qu'elle a écrit directement après son retour. Et aussi, dans la lettre à Bernanos, elle a fait les conséquences de son expérience. Et aussi, en conséquence, qu'elle voulait rester solidaire. Elle n'a pas, à cette époque-là, elle n'a pas publié ses réflexions. Au contraire, elle a publié des défenses de la révolution espagnole, quand il y avait dans la presse bourgeoise des articles dénonçant l'anarchisme comme chaotique ou dénonçant l'héritage d'Ascaso et de Ruti, avec Victor Serge et des autres, il l'a défendu, mais en privé, elle a écrit ces critiques qui sont été parues posthume après sa vie dans les journaux libertaires et qui ont déclenché un débat que je pensais peut amener, entre autres aussi, à l'hésitation de milieux libertaires de poursuivre ce chemin de mélanger la révolution et la conception des milices et aussi la conception de guerre révolutionnaire. Avec Simone Veil, on peut dire qu'il n'y a pas de guerre révolutionnaire. Dans son article « Réflexion sur la guerre », elle dit que la révolution, la guerre est le tombe de la révolution. Et bon, je voulais ajouter aussi que cette méthode, pour moi, c'est un titre très juste pour le livre, parce que ça, c'était son méthode dans des sujets différents qui sont très importants pour elle dans sa vie. C'est toujours faire l'expérience d'abord et puis réfléchir sur l'expérience. Et ça c'est fait dans tous les domaines. Et j'ai ajouté un peu dans mon introduction aussi ce qui n'est pas vraiment dans le livre, c'est une première expérience qu'elle a fait dans des vacances qu'elle a fait en été 1933-1932, quand elle fait un voyage en Allemagne. Et là, elle a fait des entretiens avec des travailleurs, des chômeurs, des militants syndicalistes sur le fait que le prolétariat allemand n'est pas capable de résister aux nazis qui sont en cours de prendre de relais aussi parmi les travailleurs. Et alors elle cherche des raisons à cause de ses entretiens et elle écrit des articles, plusieurs articles très très pointu pour les dangers de l'époque dans la révolution prolétarienne, dans Libre Propos, dans l'école émancipée, tous ces journaux qu'on pourrait aussi à l'époque déjà dire que ce sont des journaux libertaires. Alors elle a publié là aussi et dans la critique sociale, mais ses articles sur l'Allemagne sont parus plutôt là, et elle décrit déjà deux grands défauts de mouvement ouvrier en Allemagne. L'un, c'est la dépendance des partis. Ça veut dire qu'elle critique les dirigeants sociodémocrates comme bureaucrates. Et aussi, elle critique, ça c'est aussi très important, les dirigeants de partis communistes en Allemagne, d'être aussi dépendants des décrets et des dirigeants de Troisième International, qui étaient à l'époque d'être une partie très très nationaliste. Et elle... Oui. Donc juste pour vous donner une illustration de ce, enfin, du type de réflexion que fait Simone Weil pendant son voyage en Allemagne, je voudrais juste vous citer ce petit extrait d'un article qu'elle publie dans la Révolution prolétarienne, et où elle dit la chose suivante, donc, « Ainsi, les trois partis qui attirent les ouvriers allemands, en déployant le drapeau du socialisme, sont entre les mains l'un du grand capital, qui a pour seul but d'arrêter, au besoin par une extermination systématique, le mouvement révolutionnaire. L'autre, avec les syndicats qui l'entourent, de bureaucrates étroitement liés à l'appareil d'État de la classe possédante. Le troisième, d'une bureaucratie étrangère qui défend ses intérêts de caste et ses intérêts nationaux. » Chacun aura reconnu dans la première proposition le national-socialisme, la social-démocratie dans la seconde et le stalinisme dans la troisième. Et pour quiconque a un petit peu fréquenté ou s'est un petit peu intéressé à la période et à ce qu'on pouvait dire à l'époque, ces réflexions-là sont d'une lucidité particulièrement étonnante, quoi. Est particulièrement rare, puisque c'est juste quelques mois avant, juste après, je ne sais plus, mais dans la même période de quelques mois, c'est Léon Blum qui écrit que le national-socialisme est arrivé à son zénith, et que comme le général Boulanger à son époque, il va connaître désormais une chute électorale et une perte d'influence. Bon, déclaration de Blum que chacun connaît et qui est considéré comme une grande figure morale de la gauche française, connue pour son courage et sa lucidité. Bon, là, en l'occurrence, la lucidité, elle n'est pas particulièrement flagrante. Et on voit que c'est vraiment dans cette culture politique-là que, à mes yeux, c'est pour ça que j'y attache beaucoup d'importance, qu'on trouve vraiment les réflexions les plus lucides, les plus pertinentes sur cette, en gros, sur les grands drames que l'on connaît pendant l'entre-deux-guerres et auxquels, en particulier, le mouvement ouvrier est confronté. Et donc, à mes yeux, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pris la mesure exacte de ce que ça a représenté. Autre chose aussi, toujours par rapport à ces événements-là, c'est qu'une fois qu'Hitler est arrivé au pouvoir, donc dès le lendemain du 30 janvier 1933, c'est Simone Weil qui déclare que cette défaite est pour le mouvement ouvrier la défaite la plus grave qu'il est connu au plan international depuis août 14, c'est-à-dire depuis le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Alors que, bon, je dirais, y compris aujourd'hui, dans les commémorations, les rétrospectives, ou les façons de se confronter au passé, on n'a jamais, on présente jamais ce truc-là, et en particulier sous l'angle d'une défaite du mouvement social ou du mouvement ouvrier. On présente ça au mieux comme une défaite de la démocratie bourgeoise, quoi, pour faire vite, qui va amener ensuite la Deuxième Guerre mondiale, etc. Mais donc pas du tout comme un recul décisif du mouvement social et des mouvements d'émancipation qui clôt en gros la période ouverte par la défaite de la révolution spartakiste et des révolutions allemandes de l'après-guerre. Enfin. Voilà, c'était un petit peu pour illustrer ce que Reinhardt était en train d'expliquer par rapport à l'Allemagne avec une citation d'époque de Simone. Et ce qui est intéressant aussi, c'est à l'époque où elle critique les dirigeants du Parti social-démocrate et communiste, elle a aussi une critique de l'antisémitisme. Par exemple, les dirigeants du Parti communiste, ils font front commun avec les nazis dans un grève, par exemple, oui, des travailleurs de transport, oui. Et là, elle fait, par exemple, une analyse qui est vraiment lucide. L'idéologie nazie est étonnamment contagieuse, notamment chez le Parti communiste. Dernièrement, les nazis tournaient contre le fait qu'une femme juive marxiste, Clara Zetkin, allait présider la séance de rentrée du Reichstag. À quoi la Welt am Abend, journaux officieux du parti, répondit: d'abord, Clara Zetkin n'est pas juive, et puis, si elle l'était, ce ne fait rien. Rosa Luxemburg, bien que juive, était une tout à fait ehrliche personne, une personne honorable. Alors, bien que juive, elle a mis en italique, et alors elle a dénoncé l'antisémitisme là. C'est très important parce que je l'ai vécu aujourd'hui, maintenant aussi, parce que je viens directement d'un voyage de présenter ce livre en 16 villes de langue allemande, en Allemagne, Autriche et Suisse. Et il y avait dans les débats beaucoup les questions: pourquoi elle était devenue d'un côté chrétienne, mais de l'autre côté d'une, on peut dire, anti-judaïsme, de quelquefois on peut dire aussi l'antisémitisme de Simone Weil. Mais ça, c'était aussi une partie de son phase de vie chrétienne. Et on remarque, elle n'a pas fait vraiment un texte cohérente sur ce sujet, mais on remarque dans quelques analyses, par exemple, très tôt sur cet voyage en Allemagne, qu'elle était capable aussi de faire une critique d'antisémitisme propre à son époque. Et ça veut au moins un peu relativiser les reproches qu'on lui a fait et qui sont quelquefois plus tard aussi d'un côté aussi justifié. Elle a fait aussi, elle n'est pas restée dans cette critique des partis qu'elle rejette complètement à cause de l'expérience qu'elle a fait en France dans ce milieu de syndicalisme révolutionnaire où elle était socialisée, et spécialement autour de groupes de révolution prolétarienne, de Pierre Monnat et des autres, Albertine, de Thévenon, et elle a eu des relations amicales là, et a pris aussi l'héritage de syndicalisme révolutionnaire qui était à l'opposition de la politique d'un parti travailleur. Mais elle ne restait pas là, et elle se posait déjà en Allemagne aussi la question: pourquoi est-il y a une capacité des travailleurs de base de se révolter contre les politiques des partis, des meneurs, des dirigeants de partis. Et là, elle découvre la première fois les causes sont aussi dans l'organisation de travail industriel, et elle a mis aussi en deux côtés, d'un côté des pays capitalistes très avancés à l'époque, l'organisation capitaliste en Allemagne, et aussi elle compare avec le stakhanovisme en Russie soviétique. Et elle fait aussi l'analyse qu'il ne suffit pas de combattre directement la relation capital-travail, mais aussi il faut apercevoir que la domination est aussi dans des machines industrielles ou l'organisation de travail industriel. Et elle oppose aussi un peu ce qu'est l'héritage proudhonienne qu'elle a appris dans le courant de syndicalisme révolutionnaire, des socialistes artisanales qui ont une capacité de regarder dans le processus de travail la première matière et puis le produit qu'ils produisent, et chaque problème dans le processus de production, c'est un problème à surmonter créativement. C'est presque une œuvre d'art de réfléchir dans le processus de travail, comment puis-je faire surmonter ce problème pour arriver dans un produit, et je peux me regarder tout ce que je fais satisfaisamment, faire mes satisfactions dans le produit que je vois. Et elle a dit que dans le taylorisme, l'organisation industrielle, à l'époque en Allemagne qu'elle a vécu, que toute la concentration, la créativité, tout ça, est mis dans un petit point qu'elle n'a aucune relation encore avec le produit, qu'elle ne voit pas encore le produit, et toute la concentration est mise dans un petit geste qui est répété 1000 fois dans le processus de travail. Et ça, elle dit, c'est fatigant. Avec ça, le travailleur perd toute son capacité de regarder et de penser en des grandes analyses. Et elle reste le sentiment d'être fatigué, de ne pas vouloir penser libre et de rester sous les dirigeants, sous les ordres que le travailleur a reçus. Et ça, c'est très décisif, cette analyse, parce qu'elle dit que ainsi le travailleur perd son capacité de se révolter. Tout d'abord, il faudrait avoir dans le processus de travail la créativité, la capacité de penser comme condition pour avoir une capacité de se révolter. Et elle dit que l'organisation industrielle de l'industrie plus avancée à son époque mène à la passivité, ainsi à la passivité et la perte de conscience et l'esprit de se révolter. Et elle exige une autre façon de technique. Et ça, elle décrit déjà comme une critique des forces de productivité dans le marxisme. Quand on a vécu en Allemagne, par exemple, le mouvement antinucléaire contre les usines de produire l'électricité nucléaire, qui était très efficace jusqu'à nos jours, d'emblée, les théories qu'on a discutées dans les premières années 70, c'était aussi des théories de la critique des forces de productivité. Et c'est pas par hasard que le premier, je ne sais pas où il est, le premier livre en langue allemande qui est paru, oui, avec ses écrits politiques et historiques, c'est paru en 75. Et oui, c'était une petite, c'est pas beaucoup traduit, mais c'est pas par hasard que c'était paru dans cette époque-là. Et c'est très très peu qui est jusqu'à aujourd'hui traduit. Et la dernière chose que je voulais ajouter aussi sur, que j'ai mis dans l'introduction, c'est une différenciation les idées de Simone Weil entre l'anarchisme, le pacifisme et la recherche continue de la non-violence. Parce que elle était pacifiste dans les années 30, mais elle n'était plus dès mars 39. Elle ne voulait pas que, par exemple, dans les dernières années 30, elle ne voulait pas que la guerre civile en Espagne s'étend dans une guerre mondiale. Alors elle a soutenu les pacifistes qui ont... Mais ça, c'est le problème du pacifisme aussi, et pour ça, c'est toujours très important pour moi de distinguer le pacifisme comme idéologie de l'anarchisme non violent, parce que le pacifisme à l'époque a vouloir essayer de faire la diplomatie, de pousser le gouvernement de France de négocier avec l'hitlérisme. Et dans ces négociations, il y avait toujours une tentation, parce qu'il y avait une injustice dans le contrat de Versailles, de toujours être un peu modeste envers les exigences de territoire allemand. Et quand elle a vécu que les nazis ont envahi la Tchécoslovaquie, elle a fait ses distances envers cette pacifisme. Et plus tard, elle a dit aussi que c'était presque un crime d'être pacifiste là. Et elle a dénoncé aussi quelques de ses amis qui ont même allé jusqu'à la collaboration après l'envahissement de la France par les nazis. Mais, et ça, c'est important aussi, dès qu'elle a rejeté le pacifisme, elle a soutenu les forces qui mènent la guerre contre les nazis et aussi la guerre des alliés, mais individuellement elle voulait rester, elle voulait soutenir, elle voulait être utile, efficace. Elle a dit aussi que c'est très important d'être efficace, elle voulait être efficace mais sans tuer. Ça c'était son principe qu'elle a gardé aussi quand elle a soutenu la guerre contre les Allemands. Elle voulait être efficace individuellement sans tuer. C'est pour ça qu'elle a conçu quelques projets de soutien France Libre qui sont regardés comme toujours un peu idiotes ou comme ça. Par exemple, elle voulait avoir encore des infirmières faire dans le premier rang des batailles en Europe, et elle a expliqué, légitimé, par... elle voulait mettre un point d'humanisme au sein de la guerre de barbarie, et ce point d'humanisme va distinguer les armées de l'Ouest, des alliés, va distinguer cette guerre de ce côté des nazis. Elle a conçu ça pour que les petits points de l'humanisme font la différence dans la guerre de ce qu'ils font soutenir. Elle a toujours conçu des projets comme ça. Et en même temps, et ça c'est la dernière chose que je voulais dire, on a vécu ici les propos et les expériences de André Bernard et Anita à cause de il y a quelques mois, et on peut même dire qu'il y a un développement, une généalogie de ces idées qu'ils ont mettre en œuvre qui vont jusqu'à Simone Veil, parce que il y avait des débats entre Simone Veil et Lanza del Vasto ici à Marseille quand elle était à Marseille en 40 ans. Ils se sont trouvés de chez lui ou dans des cafés à Marseille Ils se sont rencontrés plusieurs fois ici. Et Lanza del Vasto, il a une histoire d'être en Inde entre 36 et 38, et il a vécu là, pour lui, l'efficacité d'une campagne de masse des actions directes non violentes menées par Gandhi. Et puis il est revenu en France avec un projet de réaliser ça en France aussi. Il était un religieux, mais un religieux avec quelques tendances libertaires. Et maintenant, il est tombé en France dans une situation d'envahissement de France des Allemands. Il était à Marseille. Il a vécu les rafles de Vichy. Et il était en crise, en pleine crise. Il voulait arrêter tous. Et il a trouvé personne qui a compris ce qu'il veut réaliser. Et là, malgré son hésitation de Simone Veil, avec les conversations de Simone Veil, l'a plus ou moins convaincu de poursuivre de surmonter son crise et de poursuivre son projet. C'est écrit dans l'autobiographie de Lanza del Vasto que j'ai cité aussi dans mon introduction, et c'est aussi décrit dans un livre d'une personne qui est avec des causes mal vécues dans les libertaires, Jean-Marie Muller. Il a écrit un livre, Simone Veil, l'exigence de nos violences, et c'est Jean-Marie Muller, je le critique aussi, parce qu'il a mis des conceptions de la défense sociale à la tutelle de la ministre des Défenses ici en France. Et il a toujours parlé de la non-violence sans mentionner le courant libertaire où il était né et développé. Ça, c'est son problème, mais malgré tout, il y a quelques pensées très très pointu sur l'action non-violence et la philosophie de la non-violence dans son livre, qui ne sont pas vraiment toujours interprétées par les libertaires. Alors c'est pour ça que je l'ai ajouté aussi, c'est ce qu'il a écrit sur ses rencontres. Et en effet, à cause de ces conversations, Lanza del Vasto a repris son projet. Il a, après la Deuxième Guerre mondiale, fondé son communauté de l'Arche, ici, où ils sont mis en œuvre ces actions interreligieuses contre la guerre en Algérie, où ils ont commencé à soutenir les réfractaires, les premiers objecteurs de conscience, où il y avait aussi un front commun avec des libertaires sans foi, avec des athées. Et à l'issue de ce mouvement et ces pratiques, il y avait le journal Anarchisme et non-violence, qui était aussi un prédécesseur de notre journal. Alors on peut dire que dans la généalogie de cette action civique non-violence, il y a aussi une petite partie de Simone Veil qui était même dans une époque où elle a déjà abandonné le pacifisme. Bon. Si je peux terminer avec Simone Veil, avant qu'on engage le débat, je voudrais vous lire un extrait d'une lettre qu'elle écrit au Thébonome. Ses amis, donc syndicalistes révolutionnaires qu'elle a connus dans la Loire, si je me souviens bien. Donc qu'elle écrit en 1934, donc en faisant une espèce de retour en arrière et de bilan sur ces années précédentes de militantisme et d'intervention dans les milieux dont on vous a parlé. Premier point, tout le monde est d'accord que le socialisme, c'est le gouvernement de la classe ouvrière par elle-même. Deuxièmement, cela ne résout nullement la question qui est par quelle étape arriver à rendre les masses assez conscientes pour gouverner? Par l'organisation syndicale au sein du régime, point d'interrogation, ou par la prise du pouvoir par une élite, entre guillemets, consciente qui gouvernera en attendant que les nouvelles générations mûrissent, point d'interrogation. La deuxième solution est défectueuse, la première encore un peu plus peut-être. Alors encore une fois, il faut réfléchir. Et un petit peu plus loin, elle pose ce qui me semble être une des questions essentielles pour tout projet d'émancipation sociale, à savoir, je cite, « trouver un moyen de former une organisation qui n'engendre pas la bureaucratie, car la bureaucratie trahit toujours, et l'action non organisée reste pure mais échoue. Et elle conclut de la manière suivante, ça sera aussi la mienne. La révolution est un travail, une tâche méthodique que des aveugles ou des gens aux yeux bandés ne peuvent pas faire. Et c'est ce que nous sommes tous en ce moment. Merci de votre attention. Merci de nous avoir donné quelques facettes de la pensée de Simone Veil, parce que les facettes sont nombreuses. Donc, vous me dites vos prénoms, puis on inscrit pour de rôle pour parler, pour introduire le débat. Vous avez parlé tous les deux à plusieurs reprises de son passage en Espagne, de la lettre à Bernanos, des textes qu'elle a écrits. Donc, pour ceux, moi je sais ce qui s'est passé, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, dire qu'est-ce qui s'est fait, le peu de temps qu'elle est restée en Espagne, qu'est-ce qui s'est passé, notamment le petit et le milicien, enfin je ne sais pas si on disait milicien, franquiste de 16 ans, qui, quand elle a assisté à l'exécution. Bah, disons que Simone Veil part en Espagne quasiment dès l'annonce du pronunciamento franquiste, donc quelques jours après. Elle part alors avec un projet qui est vraiment dans la droite ligne de ce que Reinhardt a dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'expérience par elle-même et d'expérimenter par elle-même des conditions extrêmement périlleuses et extrêmement difficiles. Son idée, pour tout vous dire, même si ça paraît un peu rocambolesque, c'est d'essayer de retrouver la trace derrière les lignes franquistes de Joaquín Maurín, qui est un des dirigeants du PUM, qui est aussi le beau-frère de Boris Souvarine, auquel elle est très attachée. Et donc Maurín, comme dirigeant du PUM, est le lendemain du 18 juillet 1936, enfin, il se trouve dans une ville qui est contrôlée par les franquistes. Et donc il va être arrêté, il va réussir à dissimuler son identité pendant quelques temps, et ensuite rester un certain nombre d'années, au moins jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, si je me souviens bien, en prison, en Espagne. Donc voilà, son premier projet, c'est celui-là. Donc ça apparaît un petit peu fou, quoi, parce que c'est quelqu'un qui Simone Veil parle pas du tout espagnol. Elle a vraiment une tête d'intellectuelle. Elle est mignonne comme une taupe, si elle a pas ses lunettes, etc. Enfin bon, donc elle a pas du tout le look ou le profil de Matahari ou d'un agent secret quelconque. Donc elle arrive en Espagne, donc je ne sais plus, ça va être début août, fin juillet ou début août 36, elle va au siège du Pou, mais là elle tombe sur Gorkine qui lui dit, parce qu'en plus elle est très obstinée, très têtue pour mener à bien ses projets, mais enfin Gorkine arrive à la dissuader de passer derrière les lignes franquistes pour essayer de retrouver la piste de Maurín. Et il se trouve qu'au même moment, il y a d'autres gens qu'elle connaît, enfin d'autres Français libertaires qu'elle connaît qui sont aussi en Espagne. Et donc là, c'est donc Mercier, bon, à l'époque, qui se fait appeler à l'époque Charles Ribel, qui est là avec Charles Carpentier, Louis-Berthe Aumieux, quelques autres, et qui vont donc fonder ce qu'on va appeler le groupe international de la colonne de routine. Et donc Simone Veil, comme elle connaît ces militants-là, alors là aussi c'est très intéressant à signaler dans quelles circonstances elle les a connus. Elle les a connus pendant les grèves, donc quelques semaines auparavant. Elle les a connus directement dans la mesure où ce sont des militants libertaires qui sont investis dans les groupes d'usines de l'Union anarchiste de l'époque, donc au moment des grèves avec occupation d'usines de mai-juin 1936. Quoi. Donc elle connaît ces militants et elle les rejoint sur le front d'Aragon, dans le groupe international. Donc on trouve dans les œuvres de Simone Veil, notamment son journal d'Espagne, où elle écrit, donc, comme son nom l'indique, au jour le jour, le récit de ce qui lui arrive, etc. Donc là-dedans, pendant ces journées-là, elle va, alors là c'est un petit peu compliqué, mais on va lui rapporter l'exécution. Elle n'a pas assisté. Enfin, c'est ce que dit Mercier en tout cas, hein, qui nous semble quand même assez bien placé pour en parler. On lui a rapporté l'exécution d'un jeune adolescent, donc franquiste, sous uniforme franquiste, auquel les miliciens de la CNT qui l'ont capturé à l'issue d'un combat lui proposent en gros de renier ses convictions. Il dit, si tu dis que tu es plus franquiste, en gros tu quittes ton uniforme et tu te casses. Hein. Ou alors tu l'as avec nous, je ne sais pas, je sais pas les détails. Mais sinon, sinon on te fusille. Quoi. Et donc le minon refuse de renier ses convictions et est fusillé. Et cette anecdote donc, à laquelle, à ma connaissance, Simona n'y a pas assisté, mais qui lui a été rapportée donc, par ses amis, en particulier Mercier, Riedel, enfin à l'époque, hein, Charles Riedel, elle va en faire une espèce de pivot, le pivot central de son argumentation dans sa lettre à Bernanos, pour d'une manière que moi je ne partage pas entièrement, je dois le dire, rejeter un peu dos à dos les combattants des deux camps. Le principe de la lettre à Bernanos, c'est vraiment ça. C'est je vous écris à vous parce que vous êtes un écrivain royaliste et que vous avez dénoncé les exactions de ce qu'on aurait pu penser être votre camp, hein, c'est-à-dire les crimes commis par les franquistes dans les Baléares, qui est le thème des grands cimetières sous la lune de Bernanos, qui paraît, je ne sais plus, en 38, je crois. Donc elle lui écrit dans ce sens-là. Il dit, je vous écris à vous parce que vous êtes royaliste, vous êtes un écrivain royaliste, donc vous êtes en gros de l'autre camp, mais vous êtes un personnage estimable dans la mesure où vous avez dénoncé les exactions, et moi je vais vous dire que malgré toute l'amitié, l'estime, etc., que j'ai pour mes camarades de combat, des milices de la CNT, etc., et des amis que j'y ai rencontrés, etc., j'ai assisté à où je dénonce moi aussi en gros les crimes commis par mon camp. Alors dans un premier temps, cette lettre, bon évidemment elle passe tout à fait inaperçue parce que c'est une lettre qui est tout à fait privée. Et il se trouve qu'après la guerre, elle est publiée, si je me souviens bien, dans un truc assez confidentiel qui est le bulletin des amis de Bernanos, un truc comme ça. Et ensuite, elle va être reprise par la revue Témoin, qui est une revue qui est très peu connue, mais qui est absolument passionnante, qui est une revue suisse de langue française, animée par un mec aussi passionnant, qui s'appelle Jean-Paul Sanson, qui est un militant français qui a refusé de faire la Première Guerre mondiale et qui ensuite est resté en Suisse jusqu'à la fin de ses jours. Et après la guerre, il commence à publier cette petite revue, qui est une petite revue à la fois par le format, par le nombre de pages, et par la faible diffusion, mais qui est en même temps une revue absolument remarquable et passionnante par le nombre d'articles et par les collaborateurs qu'elle s'attire, puisque on y retrouve les libertaires les plus intéressants du type Mercier, Proudhomont, Leval, tout un tas de gens, et aussi des écrivaines plus connues comme Camus, comme Silone, l'italien Ignazio Silone, etc. Ouais. Et donc dans la mesure où cette revue publie la lettre, à ce moment-là, ça déclenche un certain nombre de réactions, donc d'articles qui sont publiés dans le dans le numéro suivant de témoins, et notamment c'est Mercier qui a réagi, c'est Leval, Franck Loudemont, etc. Et bon, enfin là je vous renvoie à la fois au bouquin où j'évoque un petit peu l'affaire dans le et aussi le collègue Mercier qui est là. Ce livre est publié avant le colloque. Mais je voudrais justement rajouter qu'on peut dans on ce peut livre. Pas parler, alors. Ah oui, oui. Ok. Claire est impatiente. Mais oui, parce que vous nous avez tout appris. Non, justement, il y avait. Non, mais à toi, sincèrement. Mais ça. Et au contraire, je voulais commencer par vous remercier parce que tout ce que j'ai appris sur ces nouvelles, c'est vous deux qui l'avez appris. Mais si vous, avec un personnage pareil, si vous ne nous laissez pas parler, c'est vraiment très frustrant. Parce que c'est un grand cerveau théorique qui a abordé beaucoup d'aspects tout à fait fondamentaux. Si on appuie sur le bouton, on sait que vous en êtes capable. C'est passionnant, je ne déconne pas, hein. Mais alors, voilà. Alors, pose une question. J'ai le grand tort de répondre en détail à une question qu'on me pose. Ça, j'avoue, c'est rédhibitoire. C'est déjà écrit. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que sur ce sujet-là, tous les deux, vous avez déjà écrit, on peut déjà dire des choses, etc. C'était pour les copains qui n'étaient pas forcément courts. Oui, mais forcément, bien entendu. Enfin, excusez-moi, j'interviens très mal et je vous présente mes excuses a priori. Et voilà, et je voudrais juste vous dire une toute petite chose. Premièrement, en 1968, les 68ards ne revendiquaient pas Simone Veil, et c'est extrêmement intéressant. Ils se revendiquaient, les 68ards. Il y en a beaucoup. Mais on va dire que, par exemple, au mouvement du 22 mars, on était luxembourgistes. Mais on ne lisait pas Simone Veil. Pourquoi ? Parce qu'elle n'était pas publiée en français. Et on la prenait pour une sorte de... Pas seulement. Un peu cateau, et établi, comme tu l'as si bien dit, et puis voilà, et on n'en savait pas beaucoup plus. La Joc, que j'ai connue par famille avec mes parents, eux revendiquaient... Puisque tu nous as posé cette question initiale de l'enjeu de cet héritage qui est revendiqué par Potemont, la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, revendiquait Simone Veil à cause de Bernanos. Or, qu'est-ce que vous nous apprenez c'est que Simone Veil, c'est pas ça. Et moi, malgré la réflexion où tu m'as tout appris, Ragnar, du rapport de Simone Veil, moi, je trouve tout à fait passionnant ce que tu nous apprends sur le rapport de Simone Veil à la non-violence, la critique de l'anarchisme dans l'Espagne, etc. Mais moi, je pense que c'est ta réflexion, et je serais bien plus intéressée par lire ta réflexion appuyée sur tes auteurs de prédilection, plutôt que tirer Simone Veil tout entière vers un côté où elle n'est pas tout entière. Elle y est en partie. Nous sommes tous en partie quelque part. Aucun d'entre nous n'est tout entier dans un endroit. Et Simone Veil, pas plus que les autres. Heureusement. Et heureusement pour nous. Et donc, je pense qu'une petite partie, un petit moment de l'histoire de Simone Veil a fait d'elle la rapprocher de l'anarchisme, mais c'est pas en tant qu'anarchiste. Je vais en savoir plus que vous, puisque je l'ai. Je veux dire que je voudrais pas, je pense que c'est inutile de la transformer. Parce que c'est un personnage qui a suffisamment. Il se trouve qu'en plus, c'est effectivement un cerveau de l'histoire. Et donc, on a tous ces écrits pour nous appuyer, pour que sa biographie soit appuyée. Il me semble que, enfin, moi, je suis plus intéressée, en fait, par la critique sociale, la Simone Veil de la critique sociale, et la pensée de cette femme entre les deux guerres. L'Espagne, une fois que tu nous l'as dit une fois, moi ça me suffit, je peux dire, d'abord, j'ai jamais pensé que l'Espagne soit le sommet de l'histoire de l'anarchisme, d'abord. Et je suis plus intéressée par Simone Veil en Allemagne que Simone Veil en Espagne. Parce que nous nous extasions quand nous apprenons que Daniel Guérin est parti en Allemagne en 1933, et il a écrit quelque chose, une critique sur le nazisme, voilà, c'est extraordinaire ce français, comme s'il était le seul. Et donc voilà déjà une deuxième. Et justement, ces deux personnes qui ont quelques ressemblances, on peut le dire. Et donc voilà, moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, cette pensée... Elle n'a pas besoin qu'on la sorte de là où elle est, si je puis dire, dans cette petite tranche théorique qu'elle a poursuivie toute sa vie, c'est un esprit libre, qui n'est incriminé à personne, et c'est pour ça qu'elle critique les anards, c'est pour ça qu'elle critique ci, qu'elle critique ça. Mais elle s'inscrit dans une filiation qui est, comment dirais-je, intégrale, que vous avez appelé, je ne sais pas comment on peut l'appeler, enfin sous-marine, je ne sais pas comment on peut l'appeler, moi je dirais sous-marine. Voilà, je ne dirais pas anarchiste, il n'y a rien d'anarchiste. Sous-marine, on n'est pas obligé d'être anarchiste quand on est anti-léniniste. On peut être autre chose. Il me semble qu'elle est ça, et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que vous n'avez quand même pas dit la seconde de camarade. Non, je dis ça amicalement, quand même, elle est juive. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Non, mais quand même, elle est juive. Oui, il y a des choses que je n'ai pas dites. Enfin, quand même, moi, la première chose que je dirais, c'est une femme juive qui, après, suit la trace de son judaïsme, en fait, son histoire juive, selon les choix théoriques qu'elle a fait. Et c'est pour ça que le judaïsme non plus ne la revendique pas à cause de sa conversion. Et combien de femmes juives se sont converties au catholicisme pour sauver leur peau, et d'hommes pour sauver leur peau pendant la Deuxième Guerre, combien? On en a retrouvé bonne sœur dans les couvents, même des athées. Voilà. Bon, alors ça, j'aurais quand même aimé l'entendre, et de ce fait, je pense qu'il y a une grande importance dans sa pensée autour de Sous-Marine et ce qu'elle fait en Allemagne, etc. Ça n'enlève rien à ce que vous avez dit, et ni à ta lecture, ni à celle de Charles, a été plus ouvert la question. Mais moi, il me semble que cette nana, et alors en plus, elle n'a rien dit sur les femmes et le féminisme. Enfin, vous ne nous en avez pas parlé. Une petite anecdote par rapport à la... Est-ce qu'elle s'est exprimée à ce propos? Enfin, ma connaissance, c'était pas une question qui la passionnait. Pour répondre, avant de laisser la parole à Renard, deux, trois éléments de réponse, deux, trois réflexions. D'abord une anecdote pour commencer, si c'est déjà su, je me tais et je passe à la suite. Mais il se trouve que c'est à l'instigation de Simone Veil que Daniel Guérin a écrit Fascisme et Grande Capitale. C'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais qui mérite d'être souligné par rapport à la réflexion que tu viens de faire. Ce que tu dis sur la critique sociale, moi ça me va dans ton cœur, parce que c'est vraiment à partir de là, si tu veux, moi c'est en travaillant sur Sous-Marine, si tu veux. Sinon, avant, c'était, Simone Veil, c'était ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, c'était une page dans un bouquin de philo, c'était, en gros, la condition ouvrière, un truc comme ça, quoi. Mais ça allait pas au-delà d'un bouquin qui, déjà, au début des années 70, était considéré un peu comme un classique, un truc qu'on proposait un peu à tous les lycéens, sans du tout qu'on revienne ni sur le contexte, ni sur le passé politique, ni sur, surtout l'aspect sur lequel j'ai insisté en préambule. Donc moi, je dois dire que j'ai vraiment découvert Simone Veil, et Simone Veil politique, par ce biais-là. Donc si tu veux, c'est... son engagement essentiel se fait, à mon avis, par le biais du syndicalisme révolutionnaire, puisque ses premiers engagements militants, alors qu'elle est encore prof de philo, à Rouen, à Chapoux, à Rouen, etc., c'est dans les syndicats, une espèce de militantisme de base dans les syndicats, et qui essaye un petit peu de réactiver ou de réenclencher les traditions du syndicalisme français d'avant 14, quoi. Son premier engagement, ce que je dis dans l'avant-propos du bouquin, c'est une participation à une espèce d'université populaire, alors que je crois qu'elle est encore normalienne, ou juste après qu'elle est passée son agrégation, elle participe à un truc dans la mouvance d'Alain, etc., mais avec un ouvrier cheminot qui s'appelle Lucien Conquet, qui est aussi un ami de Sous-Marine par ailleurs, à une espèce de tentative d'université populaire, tu vois. Donc c'est vraiment cette tradition-là, quoi. celle de Martinet, en fait de la réflexion sur la culture prolétarienne, etc. Donc le premier engagement essentiel, il est là. Et ensuite, c'est autour de la critique sociale. Souvarine reconnaît très bien que, une des meilleures recrues de la critique sociale, qui compte quand même des gens un peu balèzes, quoi. Hein. Il y a quand même des gens comme Bernier, Bataille, Léris, Queneau, Colette Peignot. Colette Peignot. L'or, c'est après, c'est le mythe et tout. Enfin, moi, c'est pour ça que j'aime pas l'or. Donc, je préfère Colette Peignot, qui sont vrai nom, quoi, et qui est successivement, pour information, la compagne successive de Bernier, de Souvarine et de Bataille. Quoi. Et qui est aussi une personnalité assez, assez phénoménale et assez fulgurante de la période. Quoi. C'est l'espèce d'égérie des gens importants de ce moment-là et qui a aussi un parcours assez, assez fascinant et assez atypique. Quoi. Une personnalité, enfin voilà, donc il faut absolument dire ça si vous n'avez pas lu encore les écrits de Colette Peignot, y compris les écrits politiques qui ont été réédités assez, assez largement. Quoi. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est vraiment autour de ça, et c'est aussi, Simone Veil, une réflexion autour du marxisme. C'est pas qu'une réflexion contre le marxisme, c'est vraiment une confrontation avec Marx, avec l'œuvre de Marx, avec la postérité de Marx, et qui a lieu principalement dans les colonnes de la critique sociale. Il y a aussi un autre truc qui me semble important à souligner, c'est l'aspect expérience. Donc on a parlé du passage en Espagne, mais l'Allemagne c'est pareil. Simone Veil ne se contente pas de décrypter des dépêches ou de compiler des articles de presse sur ce qui se passe en Allemagne. Elle fait comme Daniel Guérin et avant lui, si je me souviens bien, elle va sur place, elle interroge les gens, elle rencontre des militants, et c'est à partir de là qu'elle va publier un certain nombre d'articles, donc dans les revues que Reinhardt a citées tout à l'heure, et qui sont à mes yeux les réflexions, parmi les réflexions les plus pertinentes, les plus lucides, les plus remarquables, qu'on ait pu écrire avant le 30 janvier 1933. Et dans cette perspective-là, c'est pas de l'analyse pour elle-même. C'est vraiment une analyse impliquée, une analyse militante. Quoi. Ce que je vous ai cité tout à l'heure sur les partis, par exemple, avec X décennies de recul, ça nous paraît peut-être une espèce de pomposane ou un truc absolument évident, mais à l'époque, ça n'est pas du tout. À l'époque, l'Allemagne, c'est le pays du mouvement ouvrier, c'est le pays de la Deuxième Internationale, c'est aussi le pays de la Troisième Internationale, le Parti communiste allemand et le Parti communiste le plus fort d'Europe occidentale, si on fait abstraction du Parti État russe, le Parti français ne prendra la prééminence en Occident qu'après l'arrivée du nazisme au pouvoir. Quoi. Donc c'est vraiment le pays phare du mouvement ouvrier, et la défaite catastrophique, cataclysmique qu'est le 30 janvier 1933, qui est en même temps une défaite sans combat, quoi. Alors que c'est là que les partis ouvriers les plus importants sont installés historiquement. Il fallait quand même en mesurer l'ampleur. Quoi. Et dans ce qu'on peut lire à l'époque, moi, en dehors de ce que raconte la critique sociale, et quelques revues comme la Révolution prolétarienne, je pense pas que beaucoup de gens aient pris conscience vraiment des enjeux de ce qui était en train de se passer. Quoi. Et c'est dans ce sens-là, je pense qu'on peut vraiment se réapproprier l'œuvre politique de Simone Veil, mais sur des choses... extrêmement basique, quoi. Cet été, j'ai fait un article dans le Monde Libertaire sur le bouquin de Glaser, quoi, secret et violence, quoi. Et où je cite ce qu'elle dit sur la grève des transports, quoi. en disant, en gros, le mouvement ouvrier a fait peur à la bourgeoisie, et c'est ça qui va amener le nazisme au pouvoir. Parce qu'ayant fait peur à la bourgeoisie, sans aller jusqu'au bout de sa démarche, c'est-à-dire en gros sans s'imposer, sans qu'il y ait de changement, etc. Ben, la bourgeoisie a eu peur, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va faire une contre-révolution préventive. Et donc le nazisme, il est inscrit déjà, dès la grève des transports, ben, dans la stratégie de la classe dominante, qui est si le mouvement ouvrier remue, nous fait peur, mais ne va pas jusqu'au bout de sa démarche, ben, nous, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'ils ont laissé passer leur occasion, nous, on va taper du poing sur la table et on va imposer notre domination d'une manière ferme et définitive. Et c'est ce qui, effectivement, va se passer quelques semaines plus tard. Hein. Avec aussi le rôle, alors là aussi, c'est un truc, bon, j'en ai pas parlé parce que ça me semblait un peu évident aussi, mais c'est l'extrême lucidité de Simone Weil, comme de la critique sociale de Souvarine et de ces gens-là, sur ce qu'est la nature de l'Union soviétique dès cette époque-là. Je veux dire, alors que vraiment, à l'époque, c'est vraiment la grande lueur à l'Est, et que ce qu'on retient aujourd'hui, et justement ce qui est assez intéressant et assez symptomatique à signaler, c'est que ces gens-là sont en total décalage avec les intellectuels dominants de leur temps, et quasiment à contre-temps, quoi. C'est-à-dire que eux, ils sont productifs jusqu'en 1934. La critique sociale s'arrête en 34, hein, c'est pour ça que je prends. Et le tournant dans l'œuvre de Simone Weil et dans son rapport au mouvement ouvrier, au militantisme, etc., c'est 1934. Puisqu'ensuite, en 35, elle est en usine, quoi. C'est l'année d'usine, qui commence même, je crois, fin 34. Tu vois, l'année d'usine vient après l'expérience de la critique sociale. Ça aussi, c'est intéressant à établir dans la chronologie, quoi. Je finis, puis après c'est bon. J'osais pas le dire. Je finis, puis après c'est bon. J'ose pas. Mais si on devait parler de la critique sociale, on est là jusqu'à demain. Donc, je termine là-dessus. Tu dis qui est Souvarine aussi, pour ceux qui ne savent pas. Je termine là-dessus. Ce qu'on nous présente aujourd'hui, c'est jusqu'à cette année, quoi, hein, parce que 2006, 1936, d'accord, commémoration et compagnie, la grande victoire de la gauche du Front populaire. L'immense espoir, etc. Enfin, moi, je veux dire tout le bordel là, autour de ça. Je veux dire, en 36, ces gens-là, ils savent déjà que les carottes sont cuites, quoi, en gros, hein, pour aller vite. Je veux dire, Souvarine, dans la critique sociale, tire le bilan dès 1933, dès la victoire du nazisme. Bon, en gros, on est face à plus ou moins brève échéance du Deuxième Guerre mondiale, et le mouvement ouvrier est liquidé. Quoi. Alors que, comme je viens de le dire, jusqu'à aujourd'hui, on nous présente 36 comme une grande victoire du mouvement ouvrier et comme une grande renaissance qui va changer la face du monde, etc. etc. Et c'est l'opinion dominante à l'époque. On dit pas plus. Justement, pour cette question, je ne voudrais pas revendiquer Simone Weil tout entière en couvrant Libertaire, mais je pense que ce livre pourrait prendre pour un exemple qu'il y avait une phase libertaire dans sa vie, et puis suivi, ça est important, d'une phase chrétienne. Et je pense que son expérience Espagne est décisive pour son changement d'avis. Et ce que m'intéresse, c'est pas vraiment, c'est aussi intéressant parce que son chrétienté, tout d'abord, elle écrit des articles ici dans le Cahier du Sud à Marseille sur les courants hérétiques non orthodoxes, des Cathares, tout ça. Ça, c'est intéressant aussi. Mais pour moi, c'est pas vraiment intéressant pourquoi elle était devenue chrétienne, pourquoi, pour les raisons. Les raisons sont intéressantes. Et je m'intéresse qu'elle a cherché dans le milieu libertaire, qu'elle n'a pas trouvé. Et pour ça, elle a changé ailleurs et cherché ailleurs. Et ça c'est aussi c'est très décisif ce qu'elle a vécu en Espagne. Pour ça, j'ai ajouté deux textes sur Espagne où elle était dans un milieu libertaire. Et elle a vécu pas seulement une exemple, elle décrit plusieurs exemples dans la lettre à Bernanos, dont il y avait quelqu'un qu'elle a vécu, quelqu'un qu'elle a eu raconté des autres camarades. Et elle se rapproche ou elle écrit à Bernanos pas comme royaliste, elle a dit vous êtes royaliste, qu'empêche. Au moment, ça ne m'intéresse pas. J'écris à vous comme quelqu'un qui a mis les yeux au problème de son propre camp. Et Bernanos, à l'époque, il était poursuivi par les droits comme un traître. Et il doit fuir en Brésil pour n'être pas fusillé ou... Et en tant que ça, elle raconte ses expériences et elle fait aussi des différences. Elle écrit « Je n'ai rien vu ni entendu, je dois le dire, qui atteigne tout à fait l'ignomie de certaines histoires que vous racontez. » Alors, ce n'est pas justement une nivellisation, c'est justement, elle raconte des atrocités et aussi elle raconte des problèmes qu'elle a vécu avec ses camarades, mais pas en tant que la culpabilité individuelle de chacun de ses camarades, mais plutôt en tant que c'est une situation, une structure, une forme de combat dont c'est presque inséparable ou ça va presque automatiquement que il y a aussi des atrocités ou des violences gratuites quand on mène un combat comme ça. En tant que ça, elle voulait faire une différenciation dans son propre camp. Et elle dit aussi plus tard dans des carnets que quand on voit son camp comme un territoire, que tout le bien est dans son camp, et on ne critique pas les problèmes dans son propre camp, on est devenu un peu comme l'adversaire qui a dans son camp une territoire qu'on dit que c'est tout le bien, et on est opposé dans un territoire de mal. Et ça, pour elle, c'est une opposition de lissage multiplié, pluraliste, et d'un lissage plat, d'une dimension. Et il y a une texte dans le livre de Graziani où il fait la comparaison de Simone Weil avec l'expression de Hannah Arendt, de la banalité du mal, quand il y a dans l'expression de Simone Weil, quand il y a un lissage plat, il y a un danger de que les hommes très naturels, quand il y a une atmosphère qu'on ne doit pas poser des questions, par exemple sur la fusillade d'une prêtre qu'on a dit l'un est fusillé, l'autre tu peux t'en aller. Et après 20 ans, elle raconte une histoire comme ça, elle était tirée au dos, elle voit en us en petite, ce sont seulement quelques semaines après le déclenchement de la révolution en Barcelone, elle voit déjà en tant que structure de combat en us, en petites expressions et des petites histoires comme ça, des atrocités qu'on voit d'une quantité plus élevée dans l'autre côté. Et là, pour elle, il y a une limite. Elle a espéré de mener des combats en pleine conscience que c'est à la perte de ces mesures éthiques. Et là, en tant que philosophie des idées, de réaliser la révolution dans la terre et pas dans au-delà, dans vie après la mort ou choses comme ça, c'est ne plus pas, pour elle, c'est plus pas possible, c'est plus pas réaliste. Elle est devenue tellement pessimiste qu'elle a choisi le voie religieux, on peut dire. Soit juive, soit chrétienne. Et pour répondre à ta question de femme juive, ça c'est aussi la question à cette situation-là. Elle pourrait, normalement, on peut penser peut-être, elle pourrait revenir à une religiosité juive parce qu'elle était juive. Mais là, elle était bloquée. Elle était bloquée par plusieurs raisons. La raison, c'est son héritage familial, où elle était dans une famille juive très très assimilée. Ni le père, ni la mère l'a éduquée d'une manière religieuse. Et aussi, c'était dans des débats que j'ai menés dans les conférences en Allemagne. Il y avait un expert, Werner Portmann, un Suisse, qui connaît très bien Simone Weil aussi et la tradition juive. Il a aussi un peu fait, en raison de Alain, qui était l'éducateur de Simone Weil, le professeur, et il a appris un hellénisme très très fort, et dans cet hellénisme, il y a aussi une opposition entre la culture hellénique et les barbares, et quelquefois les barbares, historiquement, il y a un antisémitisme antique. Les barbares sont été des juifs aussi, quelquefois. Et pour ça, Werner Portmann a dit dans un débat que c'était aussi transmis par l'hellénisme que Simone Weil n'a pas vraiment pensé à retourner à la religion juive. Et la troisième voie, c'est aussi dans les courants révolutionnaire des juifs, il y a aussi toujours une pensée, tout d'abord dans la terre, ici, il faut établir une société juste et libre pour que le Messias peut venir, le Messie peut venir. Et là, elle est aussi dans un pensée que quand elle voit les atrocités, les brutalités, même dans son propre côté, en espagnol, c'est pour elle la fin de la possibilité d'être militant dans le courant anarchiste autant que dans le courant juif, parce que le courant juif exige aussi d'abord de réaliser dans la terre ici la société juste. Alors c'est seulement le christianisme que lui reste, et pour elle peut exposer son éthique dans un vie après la mort et choses comme ça. Je m'explique comme ça, mais ça m'intéresse pas primordialement. Ce qui m'intéresse, ce sont un peu, quand on se fait la pointe d'interrogation dans le milieu libertaire, et aussi c'est une question pour moi très très actuelle, qu'est-ce qu'elle à chercher, mais pas trouver dans le milieu libertaire. Et aujourd'hui, quand on voit la remonte des religieux, on peut aussi se poser aujourd'hui la question, qu'est-ce que les gens peut-être cherchent dans soit le milieu libertaire, soit un peu plus étendu, le milieu des mouvements sociaux, et qu'ils ne trouvent pas. Qu'est-ce qui est notre responsabilité, notre responsabilité d'attirer des gens, d'attirance quand ils ne sont pas contents avec la société comme telle est, et pourquoi ils préfèrent de choisir une solution de fuite religieuse. Ça, c'est pour moi la question aussi. J'ai bien retourné. Oui, une petite question, là, un peu de temps tout à l'heure. Je suis tombé sur un article qu'avait écrit pour l'école d'émancipation, où elle parle du voyage en Allemagne et de l'importance du Parti communiste dont je parlais tout à l'heure, qui est déjà, je pense, en tant que adhérent. Elle cite que parmi les analyses de 4-5e, qui ont moins de 3 ans d'ancienneté au Parti communiste. Comment ça s'explique à l'époque? Et puis deuxième chose, c'est que tu parles aussi d'un groupe de combat qui a été devant le Parti communiste, qui a été interdit, et dont la plupart sont passés directement au SA. Est-ce que c'est avéré? Oui. Enfin, au niveau du fait du Parti communiste allemand, c'est électoralement le troisième parti. Non, mais au plan électoral, c'est dans l'ordre. Les dernières élections en Allemagne, c'est le troisième parti. Donc au moins 15% de l'électorat. Je pense que le nombre qu'elle cite est tout à fait réaliste. Ce que tu dis sur le turnover des adhérents, je pense que c'est une des caractéristiques des partis communistes, d'être des partis, à une époque on disait des partis passoires, c'est-à-dire des gens dans lesquels beaucoup de monde passe, et finalement il n'y a qu'à la structure qui reste. Quoi. Donc il y a une structure extrêmement forte qui est en gros l'appareil stalinien, quoi, hein, on va dire, qui lui a des intérêts, qui a à la fois des intérêts, les intérêts d'une bureaucratie classique, si tu veux, doublé du messianisme que représente Hurst à l'époque, quoi. Il y a une espèce de mystique autour de la patrie des travailleurs, de la première révolution victorieuse, de la grande Europe qui s'est levée à l'Est, tu vois, etc. etc. Il y a même tournée en France aussi dans les mêmes. Absolument, ouais. Bah, je veux dire, un truc très simple, je veux dire, tu prends les équipes dirigeantes des partis communistes en 1920, elles ont toutes été exclues 10 ans après, quoi. Oui, il y a des exclusions, bien sûr. Non, mais je veux dire, dans les personnalités, si tu veux, fondatrices, hein, je veux dire, bon, par exemple, en France, un mec comme Souvarine, dont on a parlé tout à l'heure, bon, lui est exclu en 24 ans. Juste après lui, il y a toute la charrette. Il y en a eu une avant déjà. Bon, en gros, il y a les sociaux-démocrates, quoi, qui sont ralliés au Congrès de Tours parce que bon, ils sont tellement tournés. Ensuite, il y a Souvarine et puis juste après les gens qui vont fonder l'ART, etc., etc. Enfin, c'est un truc structurel, si tu veux, dans les partis communistes, c'est que les personnalités, c'est extrêmement rare que des personnalités restent vraiment sur le long terme, et en général, c'est des personnalités qui sont les moins, les moins sympathiques, je vais dire les moins révolutionnaires. Je veux dire quelqu'un comme Cachin, par exemple, tu vois, qui a été enterré en France au moment de sa mort avec une espèce d'immense manifestation à Paris, jusqu'au Père Lachaise, qui a drainé des dizaines de milliers de personnes, hein, tu vois, avec une espèce de culte de personnalité autour de sa mort et tout, du grand fondateur de ci, de ça, enfin. Tu vois, c'était quand même le mec qui était dans la SFIO de la guerre de 14, celui qui était chargé de distribuer les fonds à Mussolini pour qu'il publie son journal, favorable à l'entrée en guerre de l'Italie. Tu vois, je veux dire, Cachin, c'était un mec comme ça, quoi. Tu vois, c'était, enfin, je veux dire, d'ailleurs, tous les autres lui reprochaient de manière très très. Enfin, je veux dire, au début du PC. Je veux dire, Cachin, c'est le mec qui vraiment a chié, quoi, tu vois, enfin, je veux dire, les gens, enfin, je veux dire, les fondateurs, enfin, les gens du style Souvarine, Rosmer, Monat, enfin, toute la gauche du PC de l'époque, pour eux, Cachin, c'est l'abomination de la désolation, quoi, tu vois, c'est vraiment le social traître type qui, par pur opportunisme, se rallie au PC. Et c'est le seul qui va y mourir, quoi. Et donc ensuite, si tu veux, pour pallier à cette caractéristique de parti passoire, il y a tout ce qu'on appelle l'appareil de formation du militant, donc qui commence dans les cellules, etc., mais qui ensuite va dans des écoles nationales et ensuite internationales jusqu'à Moscou, où les gens sont formés justement pour rentrer dans le moule et pour constituer ensuite un peu l'ossature de l'appareil, quoi. Avec tout un système de tri extrêmement élaboré, etc., pour sélectionner les gens qui vont constituer cette armature, et puis bon, les autres, ben, ils passent, quoi. Tu vois, jusqu'à 36, enfin, pour la France, l'Allemagne, c'est une toute autre cas de figure, mais jusqu'en 36, où en fait, là, il y a une espèce de conjoncture qui fait que le PC va établir son hégémonie sur le mouvement ouvrier pour les 40 années qui vont suivre, ou en gros le demi-siècle qui va suivre. Enfin. Mais en Allemagne, je pense que cette caractéristique de parti passoire, elle est tout à fait existante. Quoi. Je veux dire, le KAPD, et donc le Parti communiste ouvrier allemand, qui est en gros le parti ultra-gauche, quoi, c'est 40 ou 50 000 militants du KPD qui le quittent en avril 1920. Quoi. Paul Lévy, qui est un des fondateurs, est exclu en 1922. Des gens comme Korch, etc., sont exclus quelques années après. Il y a une grosse scission aussi qui, à la fin des années 20, qui va donner le KPDO, c'est-à-dire le Parti communiste allemand d'opposition, en gros autour des gens comme Thalheimer, Brandler, etc. Enfin, je veux dire, c'est un truc tout à fait classique dans le fonctionnement des PC, non seulement de l'époque, mais jusque dans les années 70-80, quoi, dans les partis communistes occidentaux. Attends, Claire, je voudrais justement, je reviens sur cette question, mais je voudrais justement donner un petit mot que j'ai oublié sur ton question, pourquoi il n'a pas vraiment analysé la situation des femmes. Quand tu lis quelques articles d'elle sur, par exemple, la grève des travailleuses en métallique, où elle décrit aussi la situation pendant les occupations des usines en 36, il n'y a pas un texte cohérent sur la situation des femmes, mais elle était parmi des femmes travailleuses, et là elle décrit aussi, par exemple, la double exploitation, une exploitation par le capital et la double deuxième exploitation par des hommes travailleurs aussi. Elle est décrite dans quelques phrases, pas vraiment étendues, mais une différenciation comme ça est là, quelquefois. Mais elle a du mal aussi de s'identifier comme en tant que juive et en tant que femme. Et en tant que femme, on dit toujours aussi dans les biographies, par exemple, que son maison parentale, et spécialement on dit que sa mère elle a favorisé André, son frère aîné, qui était un génie mathématique. Et il existe des phrases de sa mère qu'elle déplore qu'elle était devenue une fille, choses comme ça. Et il y a souvent des tentations, des explications de cet héritage familial pour qu'elle voulait, dans un certain temps aussi, devenir un homme. Pourquoi son comportement était toujours, elle a toujours cherché un milieu des hommes. Dans la colonne d'Urruti, elle était la seule femme, et choses comme ça. Et une petite mot de ce que tu as dit, je ne voulais pas le tirer tout entièrement en anarchisme, mais c'est et il s'appelle aussi dans le sous-titre Simone Weil et l'anarchisme, mais elle était aussi dans le courant très très libertaire quand elle était dans la révolution prolétarienne. C'était déjà un mélange entre anciens, trotskistes, choses comme ça. Et elle a par exemple, dès 1933, elle a sévèrement critiqué Trotsky personnellement, déjà dans une rencontre qu'elle a eue dans sa maison des parents. Elle a rapproché à Trotsky son suppression des mutinés de Kronstadt, par exemple. Mais les milieux, ils sont pas été vraiment séparés. On peut citer par exemple Nicolas Lazarevitch qui a proposé à Boris Souvarine Simone Weil comme auteur de son journal. Et il y avait aussi des autres liens entre les différents courants. Alors, ça n'était pas tout entière une critique de ce que tu avais dit. Je pense que Simone Weil se suffit à elle-même, comme le syndicalisme se suffit à lui-même. Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire que dans sa pensée, le choix de sa pensée, à un endroit, elle rencontre l'anarchisme, ça oui. Mais à un endroit, elle le rencontre, c'est tout. Ouais. Voilà. Pour t'en aille, pourquoi j'ai parlé de l'Espagne? Parce que l'Espagne, pendant longtemps, c'était le monopole des républicains. Bon. Et après, nous, on a eu, dans le milieu anarchiste, on a eu une autre histoire, parce qu'en opposition à la version officielle, donc on les a mythifiés, tout était beau. Et justement, moi, quand je suis tombé sur des textes de Mercier Vega ou de Simone Weil, enfin, des gens disaient tout n'est pas beau. Il y a des collectivisations, il y a des trucs super, mais à côté, ils ont fait des tas de conneries, et il serait temps d'en parler dans nos milieux. Et c'est il n'y a que depuis 10 ans, ou à peine, qu'ils commencent à sortir un tas de bouquins, quelques trucs, où le colloque Mercier Vega, on commence à pouvoir en parler dans les débats, sans qu'il y ait les vieux espagnols qui nous tapent dessus. Et c'est pour ça, moi, quand je suis tombé, je ne la connaissais pas du tout, ce texte de Simone Weil. Quand je suis tombé dessus, il y a même pas une dizaine d'années, c'était vraiment nouveau par rapport à... Moi, j'ai découvert l'Espagne mythifiée, j'avais 18 ans, c'était génial. Voilà, c'est pour ça que je reparle de l'Espagne, mais l'Espagne, je m'en fous. La Bulgarie, c'est bien aussi. Tout le monde sait ici, tout le monde sait ici, enfin, tout le monde, j'espère, que l'anarchisme n'a pas existé seulement en Espagne. Et en 1900, par exemple, je ne sais pas, on va dire 26, hein, Simone Weil était déjà une philosophe, on va dire, révolutionnaire, mais pas anarchiste. D'accord. Tu comprends? En 1930, elle était déjà capable de penser et d'écrire, mais pas anarchiste. C'est pas comme ça. Donc, elle n'était pas, c'était pas une copine de Louis Lecoin, c'était pas une copine de nos petits camarades, Henri Maire, non, pas du tout. Elle n'est pas seulement Souvarine. Ça c'est important. Elle est aussi déjà dans le courant de elle a écrit dans Révolution prolétarienne aussi, dans Libre propos, dans L'école émancipée. Et attends, elle a aussi un individualisme très très fort qui n'est pas qui n'est pas issu de ce milieu d'extrême gauche, mais qui est d'une tradition proudhonienne. Non, alors ça, tu ne me feras pas laver ça. Est-ce que, oui ou non, Simone Veil est une très grande théoricienne marxiste? Oui ou non? Enfin, quoi? Je ne peux pas être partout. Oui, mais cette... Je ne suis pas partout. On ne peut pas être partout. On ne peut pas être là et ailleurs. Non, c'est une très grande théoricienne marxiste, oppositionnelle, et ce n'est pas la seule. Mais c'est la seule femme française. Il y avait Clotaire qui voulait parler depuis un moment. Moi, ce qui, me surprend dans le cas de Simone Veil, c'est qu'ayant baigné pendant un certain temps milieu libertaire, ce qui me surprend, c'est pas qu'elle l'ait abdiée à la chrétienté, c'est après tout, c'est son problème, et c'est qu'en ayant baigné dans un milieu libertaire, elle se soit convertie au catholicisme, ce qui est... Pas c'est que... la guerre, ah, non. Non, mais attendons, je ne veux pas parler ça à 10 minutes. Qu'elle ait baigné dans un milieu libertaire aurait dû lui donner une certaine appréciation libertaire. Or, elle s'est convertie au catholicisme où c'est le pape qui lui dicte ce qu'elle doit penser, ce qu'elle doit et comment elle doit penser. Pour quelqu'un qui est passé dans un milieu libertaire, une évolution pareille, moi, ça me coupe le souffle. Si elle s'était convertie au protestantisme encore, à la limite, on aurait pu dire, bon, voilà. Elle n'est pas entrée en l'Église. Hein. Elle n'est jamais entrée en l'Église. C'est une conversion. Elle a eu strictement intellectuelle qui n'a rien à voir avec un pari religieux ou autre chose. Vous chacun votre tour. Elle a quand même versé dans le catholicisme. Si elle avait versé dans le bouddhisme, j'aurais dit bon. Non, non, enfin moi j'ai du mal à répondre sur la question religieuse parce que je suis tellement areligieux que je ne peux pas rentrer dans ce type de pensée, dans ce type de raisonnement. Quoi. Et justement tout le bouquin c'était d'explorer l'autre versant, quitte à tordre le bâton un peu plus fortement dans l'autre sens, quoi. Tout simplement. Parce que la façon, à une époque, le petit milieu étudiant Simone Veil en France, enfin autour d'une revue qui s'appelle Les Cahiers Simone Veil, était vraiment d'une bigoterie et d'une truc, c'était vraiment à partir en courant. Quoi. Bon, ensuite, ça a beaucoup changé, etc. Parce que bon, justement, l'actuel responsable, c'est le Robert Chenavier dont j'ai parlé tout à l'heure. Qui donc, lui, dans les temps modernes, en 80, je sais pas combien, 80, 82, avait fait cette relecture très, on va dire, marxiste, marxienne de Simone Veil. Donc la conversion religieuse, moi, j'ai pas spécialement d'explication, j'ai pas de lumière non plus sur la question pour éclairer ça. Moi, ce qui m'intéressait dans ce bouquin, c'était justement d'éclairer tout le reste, et non pas le seul strict anarchisme, mais disons ce qu'on peut qualifier comme un milieu extrêmement riche, qui a sa composante libertaire, qui est celui de cette extrême gauche, du tournant du début des années 30, quoi, et qui se retrouve donc autour de... à mon avis, principalement deux revues qui sont la Révolution prolétarienne et la Critique sociale, qui sont ni des revues marxistes au sens béton armé, où on peut l'entendre, ni des revues anarchistes au sens strict, quoi, et qui sont des publications, en particulier la Révolution prolétarienne, avec une très forte composante libertaire. Quoi. Et qui ont aussi, à mes yeux, un autre avantage, qui est d'avoir été des lieux de débat et des lieux de regroupement de gens de sensibilités différentes, mais ayant un certain nombre de valeurs communes. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est particulièrement flagrant dans la Révolution prolétarienne, qui publie aussi bien des dissidents du trotskisme que des anards sur sucre, que des syndicalistes révolutionnaires, etc. Enfin, je pense qu'il y a toute une culture politique là, qui est extrêmement riche à redécouvrir, et qui permet justement d'éclairer d'une autre manière les grandes questions, les grands événements, les grands problèmes de cette partie-là de l'histoire contemporaine, quoi. Et des grands événements comme bon, ce qu'on a déjà dit, quoi. L'arrivée d'Hitler au pouvoir, la guerre d'Espagne, les luttes anticoloniales, tout ce qui s'ensuit chez la nature de l'URSS, les luttes ouvrières en France et en Europe, etc. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Quoi. Bon, pour rester dans l'histoire de la conversion, tu as dit qu'il fallait sauver sa peau, mais elle n'était plus en France. Là. Quand elle s'est convertie, elle n'était pas en Angleterre. Elle n'était pas déjà partie. Non, juste, il y a un point... Enfin, je sais une question que je pose. Il y a un truc qui est extrêmement intéressant, c'est parce que justement, je pense pas que ce soit pour sauver sa peau, puisque dans la bio de Simone Patronome, qui est extrêmement intéressante, extrêmement riche, il y a des extraits de la lettre qu'elle envoie à Xavier Vallat. Qui est donc le commissaire aux questions juives. Et en gros, elle lui écrit en lui disant deux choses qui sont un peu assez intéressantes par rapport aux questions qui ont été évoquées. C'est que d'une part, elle ne se définit pas comme juive, mais que si elle doit être persécutée comme juive, elle se revendiquera comme juive. Et elle écrit ça à Xavier Vallat pendant son séjour à Marseille, quoi. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Mes chers camarades, en quel honneur aurait-elle écrit à Xavier Vallat et non pas à quelqu'un d'autre? Enfin, écoutez, excusez-moi, excusez-moi de faire des raccourcis si courts, mais enfin, on a connu tellement de juifs qui ont fait ça. À cette époque-là, pour cette raison-là, ils n'ont pas forcément envie de le dire, ils n'ont pas forcément envie de l'expliciter, même à eux-mêmes, des fois, ils n'ont pas envie de se le dire. Mais enfin, honnêtement, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, c'est vous qui connaissez l'auteur, moi pas, mais honnêtement, être les juives, en 40, se convertir au catholicisme en écrivant Xavier Vallat, alors là, écoutez, pour me dire que c'est pas pour sauver sa peau, ben honnêtement, il a fallu vous m'expliquer. Mais justement, ou alors je me suis mal exprimé. Non, honnêtement. Je veux dire, elle écrit au commissaire en question juive. Non, en lui disant, si vous voulez que je sois juif, vous pouvez me persécuter. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec un truc pour sauver sa peau. Mais c'est évident que c'est le contraire. Mais je veux dire, elle se dénonce elle-même. Je veux dire, c'est Armand Robin écrivant au Comité national des écrivains après la guerre en disant, vous m'avez pas inscrit sur la liste, je revendique d'être sur la liste des écrivains mis au ban. C'est la même chose. Mais oui. Oui, je suis d'accord. Donc enfin, je vois pas en quoi c'est une manière de sauver sa peau. Parce que la conversion est 1738. Non, une chose. Enfin, une chose. L'antisémitisme allemand, date de 23. Oui, alors là, honnêtement, là, je suis. Là, je suis. Pour moi, Simone Veil s'est convertie pour sauver sa peau. Voilà. Là, je suis tout à fait d'accord. Parce que j'ignorais Xavier Vallat, mais alors maintenant que tu m'as dit ça, alors ce coup-là, je n'en dépendrai pas. Là, je suis tout à fait d'accord parce que en cette époque-là, en tant que chrétienne, elle a lu le Vieux Testament et elle a eu une critique là, mais c'est en dehors de ce qui s'est passé dans la situation mondiale. Mais deux choses. L'un, elle était dans un groupe résistant ici à Marseille, témoignage chrétien, où ils font, par exemple, des fausses papiers pour des réfugiés, des poursuivis, des nazis, et en tant qu'assimilés qui se revendiquent de défendre tous les victimes, tous les exilés, elle a aussi soutenu des juifs, mais pas en tant que juif, mais en tant qu'individu poursuivi. Ça, il y a des témoignages qu'elle a aussi aidé des gens comme ça. L'autre chose, je ne sais pas quand on va aller, mais il y avait aussi des anciens pacifistes qui sont maintenant des fonctionnaires Vichy, comme Béline, René Château, et elle, elle écrit par exemple à Béline en se souciant sur des camps. Béline, c'est René Bolin, qui est de l'ancien numéro 2 de la CGT. Ouais. Qui devient ministre du Travail, premier ministre du Travail de Pétain, et donc le créateur de la Charte du Travail. Et elle écrit, par exemple, sur des camps d'internement, et les situations défastes, là, et elle a acquis, après un lettre, elle a acquis, par exemple, des petites améliorations, aussi, et aussi des, je pense, je sais pas, si ça, c'est même la libération de Nicolas Lazarevitch. Mais je pense, moi, je suis d'accord avec toi, mais je pense que les motivations sont... Je connais, par exemple, cette personne de l'époque, et il n'est pas aussi sévère que les autres vichistes. Je pense comme ça. Enfin, moi, je pense que... Ah oui, non, mais c'est exactement ça. Vas-y, si tu peux lire le passage, je pense que ça sera clair. Je ne comprends pas exactement ce que tu dis. Pas le passage. D'accord, mais c'est quand même un livre comme ça. Parce sa vie, elle dit, le remercie. Il fallait que les Juifs aillent à la campagne. Alors précisément, elle est en train de faire les vendanges. Donc elle le remercie, elle dit, je vous remercie de m'avoir... Enfin, vous voyez, je m'en fous complètement d'être juive, mais je suis précisément à la campagne, donc je pense que je viens d'obéir. Bon, je pense que c'est pas du tout pour ça que vous avez fait. Bon, etc. Bon, elle le remercie, elle dit, n'est pas être remercié par beaucoup de gens dans la condition. Voilà, vous ne recevez certainement pas beaucoup de lettres de remerciement de ceux qui se trouvent dans la situation. Un peu plus haut, elle dit, vous m'avez fait aussi le don infiniment précieux de la pauvreté que vous ne possédez pas non plus. Ce fou, manifestement, mais ça, c'est pas comme ça. Mais écrit bien en tant que juive. Oui, non, mais c'est comme c'est la comparaison. Ben, non, bon, voilà. Pas vraiment. Enfin, moi, pas je vraiment, en fait. Moi, c'est la première chose que j'ai à bon. Et ce qui est aussi contestable, ce sont quelques remarques qu'elle a faites sur les juifs en deux occasions. Une fois, juste avant, elle a changé son pacifisme en Tchécoslovaquie, parce qu'il y a deux articles sur la Tchécoslovaquie. Un où elle dit, encore en tant que pacifiste, que quand il y a des mesures en Tchécoslovaquie contre les juifs, ne pas rester dans certaines professions ou certains rangs fonctionnaires, ça ne vaut pas vraiment faire une guerre mondiale pour les sauver. Elle a dit ça, et puis elle a revendiqué le contraire dans un article sur la Tchécoslovaquie après son abandonnement de pacifisme, où elle parle aussi de l'idéologie nazie raciste et antisémite. C'est en même temps, elle parle, et aussi, même encore, dans une première tâche qu'elle fait ici à Marseille pour le France Libre, où elle a déjà contact, il y a une tâche que lui dit Schumann, qui est là, d'écrire un commentaire sur un rapport. Un premier rapport sur les conditions après la guerre. Et là, dans ce rapport, il y a c'était en 42, je pense, il y a une distinction entre le statut des Juifs et le statut, par exemple, en France, des Espagnols, des Italiens. Et on dit que les Espagnols, les Italiens, ils viennent d'un pays propre, et les Juifs, ils n'ont pas de pays, alors il faut ceux qui revendiquent l'identité juive, il faut les prévenir ou ne pas laisser dans des fonctions en haute responsabilité. Et elle fait un commentaire sur ça, sur ce rapport, en deux choses. D'un côté, elle est d'accord avec cette mesure, mais l'autre côté, en tant qu'assimiliste, elle voulait que cette catégorie peut se dissoluer. Ça veut dire, quand les Juifs ne sont plus identitaires, ils deviennent assimilés comme Français, et ils peuvent aussi avoir des postes de haute responsabilité. Elle dit comme ça. Mais oui, ça c'est à l'époque, à cette année. Apparemment, elle ne s'intéressait à aucun frein secondaire, si je résume la situation. Si vous voulez savoir pourquoi elle lui écrivait, ben en fait elle lui écrivait parce qu'elle attendait après un congé de maladie, elle a redemandé un poste de prof, et elle ne l'a jamais obtenu. Et là, elle apprend que bon, il y a un mec qui est aux questions juives, et que effectivement, en gros. C'est quand les Juifs sont interdits d'enseignement. Elle écrit en disant, ben je. Elle lui dit, je vous remercie. J'ai fait une demande, bon, bien que je n'ai pas encore très bien compris ce que ça veut dire être légalement juif, je m'aperçois que vous ne me donnez pas de boulot. Et donc, on gagne ma vie, je suis allée faire les vendanges, je m'aperçois que j'ai oublié, et finalement, je vous remercie, ça m'a fait pas. Mais ça, c'est aussi un peu ironique. Ironise aussi. N'importe lequel de nos copains parmi nous, juifs dans cette même situation, ne se revendiquant ni juif ni de prédit de loi, écrirait des trucs comme ça. Ah oui, non, mais. Il peut te planquer aussi. Non, je ne pense pas qu'il écrirait. Je pense pas qu'il écrirait un truc comme ça. On connaît des cons qui ont cette position. Donc, plutôt se planquer. Je suis tout sauf juif, mais puisque vous m'emmerdez, je vais vous. Voilà. Mais ça veut bien dire qu'elle a conscience de cette condition. Non, je crois qu'il y a. À elle, à ce moment-là. Oui. Enfin, si on veut se placer un peu sur le plan psychologique, il me semble qu'il y a une espèce de constante qui est quand même. Ce qui explique peut-être après la conversion finale, un truc comme ça, mais quand même une espèce de recherche du martyr. Voilà. Non, mais je veux dire ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'Espagne. Là, je vais en Espagne pour rechercher Maureen derrière les franquistes. Bon, je veux dire, c'est aller au casse-pipe. Son projet, le projet de Papa Renard tout à l'heure, qui est celui des infirmières de première ligne, c'est pareil aussi. C'est-à-dire, on va parachuter des femmes d'infirmières, on va créer des espèces de bataillons de femmes infirmières qui vont être parachutées vraiment en première ligne des combats et qui vont donc essayer de sauver les quelques blessés qui sont encore sauvables, tout en risquant leur peau d'une manière, etc., etc. Même dans l'expérience en usine, il y a ce côté très... travail comme une dame. Très presque maso, quoi. J'ai pas assisté au débat, donc j'ai... Mais voilà, quoi, on va souffrir, etc., sur la chaîne, etc. Et c'est par cette souffrance-là qu'on va... Elle est morte comment? Elle s'est laissée mourir de faim, C'est-à-dire qu'en gros, elle refusait de prendre une ration de nourriture plus importante que ce qu'avait les... Ce qu'elle aurait eu si elle était restée en France. Exactement. Alors qu'elle avait de... Bon, voilà. Non. Ce n'est pas... Martyr, c'est excusez-moi, pas... mais je il y a suis... des martyrs anarchistes. Voilà. Là, je suis vraiment, effectivement, sous l'influence, je vais vous avouer être bien comprise, pas du tout polémique, mais sous l'influence d'un enseignement que j'ai suivi, effectivement, plusieurs années, qui est d'une femme, qui était psychanalyste, allemande, réfugiée à Paris, élève de Lacan, qui s'appelle Anneliese Stern, déportée à Auschwitz. Donc, excusez-moi. Je vous explique pourquoi je pense ce que je vais vous dire. Je pense que cette femme, peut-être inconsciemment et peut-être involontairement, a organisé son existence. Elle était trop intelligente pour ignorer la situation. Elle l'a parfaitement analysée depuis l'une des premières. Donc, j'extrapole et j'interprète. On est bien d'accord que je n'ai pas la même pas. J'extrapole et j'interprète. Elle était beaucoup trop intelligente pour ignorer la situation, elle l'a prouvé dans ses analyses. Elle était une militante, elle ne pouvait rien ignorer de ce que toute personne dans sa condition savait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette bonne femme se laisse mourir de faim. Devinez pour ressembler à qui, à votre avis? Je vous demande. Bon. Donc, je réponds selon les références que je viens de vous aligner. Hein? Eh bien, je pense qu'elle s'est laissée mourir de faim. Pas forcément explicitement, mais bien entendu pour partager le sort des autres personnes juives ou résistantes qui étaient affamées dans les camps de concentration. Et je ne sais pas si elle le savait, si elle, nous tous, nous faisons des actes sans tout savoir ce que nous faisons, etc. Donc, comment vous dire, je ne voudrais pas que ce soit pas dogmatique ce que je dis, mais je ne peux pas m'empêcher d'interpréter Simone Veil sous ce rapport. Excusez-moi, peut-être que c'est faux, peut-être que je suis à côté de la plaque, mais je ne peux pas m'empêcher de l'interpréter sous cet angle-là, même par-dessus elle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Se laisser mourir de faim pour la Deuxième Guerre mondiale, mais j'y crois pas. Ça ne s'invente pas. Elle en est pourtant bien morte, le père. Parce que ce que tu dis, justement, que le père, elle a choisi le catholicisme pour une personne de sa condition, pourquoi pas le bouddhisme, etc. Mais évidemment, je suis d'accord avec toi, elle aurait pu choisir une religion minoritaire. Je reviens à mon interprétation à profession pour se mettre là. Une religion minoritaire ne l'aurait pas abrité. Ben non. Dis donc, si elle était allée chez... Attends, c'est un peu contradictoire quand même. Ben, ça ne l'a pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Ça ne l'a pas protégée. La conversion au catholicisme ne l'a pas protégée, justement. Parce que l'événement qui s'est passé est beaucoup trop monstrueux pour qu'elle soit plus fort qu'elle. Ça ne l'a pas protégée. Écoutez, je vous le donne pour tel. Ni preuve, ni rien. Hein? Mais c'est une interprétation vraiment sur Simone Veil. Je ne sais pas comment on peut échapper à ça, honnêtement. Pendant l'occupation, se convertir au catholicisme, c'était pas une référence qui vous évitait la déportation. Les fraîchement convertis ont douté de leur sincérité fatalement et on les déportait. D'ailleurs, je comprends très bien que les types aient essayé ce moyen de sauver leur peau. Parce qu'après tout, on a qu'une vie, si vous voulez survivre. Au contraire, après, Paul Douillet était un métier de retraite, il y a longtemps dans les pastères. C'est un autre problème. Bon, on conclut. Dans un autre genre, ça n'intéresse que moi, mais comme Reynard a parlé de son frangin, et je viens de retrouver justement, j'en étais pas sûre, mais bon, parmi toute sa multiplicité de façons de penser, elle a quand même réussi à s'intéresser au maths également. Oui, beaucoup, elle dit là justement, elle mettra son frère, elle dit, je n'en ai pas le temps. Mais que si elle en avait le temps, ce serait un professeur mathématique. Et par ailleurs, ben justement, j'ai une photo de Simone Veil dans un bouquin sur le cours d'acquis, puisque son frère était mathématicien. Un groupe de mathématiciens qui s'appelait cours d'acquis. Et j'ai une photo de Simone Veil participant à un bouquin de cours d'acquis. Bon, je pense pas qu'elle y ait participé de manière super active mathématiquement, mais ça l'intéressait quand même. Oui, peut-être pour conclure, je voudrais citer quelque chose parce que son intérêt de mathématiques vient aussi d'une pensée rationaliste très très très très fort, et elle a aussi dans son chef-d'œuvre de elle a écrit sur une utopie de la liberté qui est très, on peut dire, rationaliste, mathématique aussi, et je vais peut-être le lire. La liberté véritable ne se définit pas par un rapport entre le désir et la satisfaction, mais par un rapport entre la pensée et l'action. Serait tout à fait libre l'homme dont toutes les actions procédèrent d'un jugement préalable concernant la fin qu'il se propose et l'enchaînement des moyens propres à amener cette fin. Peu importe que les actions en elles soient aisées ou douloureuses, et peu importe même qu'elles soient couronnées de succès, la douleur et l'échec peuvent rendre l'homme malheureux, mais ne peuvent pas l'humilier aussi longtemps que celui-même qui dispose de sa propre faculté d'agir. Et disposer de ses propres actions ne signifie nullement agir arbitrairement. Les actions arbitraires ne procèdent d'aucun jugement et ne peuvent à proprement parler être appelées libres. Tout jugement porte sur une situation objective et par suite sur un tissu de nécessité. Un homme serait complètement esclave si tous ses gestes procédaient d'une autre source que sa pensée, à savoir ou bien les réactions irraisonnées du corps ou bien la pensée d'autrui. Une vie entièrement libre serait celle où toutes les difficultés réelles se présenteraient comme des sortes de problèmes, où toutes les victoires seraient comme des solutions mises en action. Merci. Merci à tous les deux. C'est dommage qu'on n'ait pas été plus nombreux. C'était passionnant. Et puis ça donne des pistes de lecture. On va écouter maintenant la